Pauline Marois, hier, là, elle a décrit plusieurs fois François Legault comme quelqu'un qui était un peu obsédé par les syndicats. C'est parce qu'il est pas tout seul, François Legault, à avoir cette obsession-là. T'sais, c'est le cancer au Québec, il vient de où, hein? Il vient beaucoup des syndicats et de la mainmise que les syndicats ont sur les dépenses publiques et la façon dont on organise les services et dont l'État est organisé. C'est un cancer, les syndicats au Québec actuellement, quand il y a de l'abus comme ça.